De retour à Web Music. Avant la pause, on a entendu des artistes qui sont sur l'étiquette Parafuso Music, une étiquette qui nous vient de l'Espagne. La pièce avant la pause, c'était la pièce Fear par Cable. On poursuit avec une étiquette du Chili qui s'appelle Epa Sonidos. Je vous en ai déjà fait jouer une étiquette qui est pas mal intéressante, assez expérimentale. Entre autres, ce soir, je vous fais passer une compilation qui est sortie hier, donc c'est quand même assez frais. Puis, ce qui est assez agréable, c'est que vu que c'est une compilation qui est en format numérique, bien, elle dure au moins 1 heure et demie, donc c'est rempli d'artistes différents. Je vous ai choisi 4 pièces sur cette compilation. On va débuter avec Aling, la pièce Quintil, puis ça va être suivi par Matamoros, la pièce Chaleka. Vous écoutez Web Musique sur les ondes de CKRL 89,1. Thank you. I'm going to go to the next one. C'était la pièce Chaleka par Matamoros. Avant ça, c'était Aling avec sa pièce Quintil. Deux artistes qui sont sur une compilation par l'étiquette Epa Sonidos. La compilation s'appelle Epa Toasted. C'est une étiquette du Chili. Donc, cette compilation-là vient tout juste de sortir. C'est sorti, en fait, hier, je crois. On va poursuivre avec deux autres pièces qui sont sur cette compilation. On va entendre tout d'abord Digital Vault avec la pièce Vega. Puis ensuite de ça, c'est F600 avec la pièce La Question. Donc pour tout de suite, Digital Vault avec Vega. Thank you. Merci au Cercle sur Saint-Joseph, à Planète Multiservice Impression, au SO 3e Avenue, Fromage Boivin et Monsieur Distribution Fromage, et Bugle, boîte à lunch de Bagel, pour leur généreuse contribution à ce 27e Radioton annuel de CKRL. Bazar Think Big sont rassemblés cinéma, voyage, vision d'avenir dans ce superbe numéro disponible partout. Oh oui, partout dans une tabagie près de chez vous. À 4,95 $, il comprend un cahier et un volet numérique. Pour plus d'informations, visitez bazar.qc.ca. En 2008, la littérature francophone est à l'honneur au Salon international du livre de Québec. Des accents d'Amérique aux accents du monde, plus de 800 auteurs seront présents et reflèteront la diversité francophone d'Amérique et du monde. Du 16 au 20 avril, le Salon international du livre vous attend au Centre des congrès de Québec. Pour connaître la programmation, consultez le silq.org. Une présentation des gouvernements du Québec et du Canada, de la Ville de Québec, de l'Organisation internationale de la francophonie et du Comité français du 400e anniversaire de Québec. De retour à Web Musique. Avant la pause, on a entendu des artistes qui sont sur l'étiquette Epa Sonidos, une étiquette du Chili. Je vous rappelle que ce que vous entendez ce soir, comme à l'habitude, c'est impossible de le retrouver en magasin. Donc, je vous invite à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez la playlist et tout ce qu'il vous faut. Je vais débuter ça un peu de balado-diffusion. Si tout marche bien, demain, ça va être disponible pour réécoute. On va poursuivre l'émission Web Musique avec un bloc 8 bits. C'est assez drôle. C'est de la musique un peu vintage. C'est fait avec des appareils ou plutôt des jeux vidéo qui sont sortis dans les années 80 et 90. Donc, si vous pensez au Commodore 64, Game Boy, etc. Donc, la musique un peu rétro, mais tout de même électronique. On va débuter avec Tiger Taser, la pièce Svenska Kursen. C'est un artiste de la Suède. Ensuite de ça, on va entendre Corn Beast avec son excellente pièce Goons. Puis ensuite de ça, c'est un peu presque un dieu dans le monde du 8-bit. Il s'agit de Goto 80. On va entendre sa pièce Killer Peeler. C'est un remix de The Moon. Donc, pour tout de suite, Tiger Taser avec Svenska Kursen. Jag skulle vilja ha håret färgat blont. Mitt ansikte behöver masseras. Snäll och ring efter en läkare, tandläkare, sköterska, ambulans, brandkår, polis, män, kvinnor, toalett, taxi. Donc, une pièce assez cheesy, merci, par Goto Eighty, un artiste qui compose ses pièces principalement avec des Commodore 64. Vous comprendrez que c'est pas l'ordinateur le plus simple pour composer des pièces. D'ailleurs, je crois qu'il doit en passer au moins 10-15 par année parce qu'il brûle les chips de ses ordinateurs. On poursuit avec d'autres artistes qui donnent dans le 8-bit. On va entendre un artiste russe qui s'appelle Woki Toki. On va entendre la pièce Gorilka Dance. Ça va être suivi par un cover des White Stripes, la pièce Seven Nation Army, c'est par Zabutom. Puis ensuite de ça, on va entendre Coleco Music, un groupe qui nous vient de l'Argentine. C'est la pièce Please Add Me. Donc pour tout de suite, Woki Toki avec la pièce Gorilka Dance. Thank you. C'était Coleco Music avec la pièce Please Add Me. Avant ça, c'était Zibutum avec un cover de White Stripes. C'était la pièce Seven Nation Army. Avant ça, un artiste russe, Uoki Toki, avec la pièce Gorilka Dance. On poursuit l'émission Web Music avec encore d'autres artistes qui font de la musique 8-bit. On va entendre une pièce, oh là là, c'est vraiment cheesy, j'ai presque peur de vous la faire passer, mais je la fais passer quand même. Il s'agit de Alex Maher avec la pièce Blast First Level. Puis ensuite de ça, on va entendre Bubbly Fish avec It's More Fun to Compute. C'est un cover de Kraftwerk. C'est sur une excellente compilation qui s'appelle An 8-bit Tribute to Kraftwerk. C'est une compilation qui reprend la musique de Kraftwerk, mais façon 8-bit. Donc, pour tout de suite, Alex Maher, suivi de Bubbly Fish. Hello, folks out there. This is Alex Maher. We're gonna tell you that the music for Blast on the first level is gonna be like this. We'll be right back. C'était « It's more fun to compute », un cover de Kraftwerk par Bob Lee. Donc, je vous disais, c'était Bob Lee Fish avec un cover de « It's more fun to compute », un cover de Kraftwerk. Avant ça, c'était Alex Maher, une pièce extrêmement cheesy. C'était la pièce « Blast First Level ». C'est donc tout pour Web Music. Je vous invite à visiter le blog de l'émission pour avoir la playlist de ce que vous avez entendu ce soir. Donc, vous pouvez vous rendre au www.webmusic.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h30 pour une autre émission de Web Music. Bonne soirée! CKRL, écoute.